Le monde entier découvre avec stupeur ces images grotesques d'une jeunesse qui a fait de la laideur un idéal. Musicalement, c'était un cauchemar. Ils essayaient tellement de rentrer dans le moule, de suivre une voie bien tracée, bien droite. Moi, je voulais davantage de chaos. Les meilleurs concerts, c'était ceux où tout sonnait faux. Et ils maltraitaient les instruments, ils poussaient le son au max. J'avais développé un certain art de mal chanter. Nous sommes pas dans la musique, nous sommes dans le chaos. On a entendu du bruit, on est entré, et on a vu Johnny Rotten dans le public qui lançait des chaises dans tous les sens. J'ai trouvé ça vraiment génial. Il y avait une colère et une force qui semblaient prendre leurs racines dans quelque chose de bien plus ancien que le rock'n'roll. On se fout éperdument ce que vous pensez de nous, bande de débiles. Voilà ce qu'on aime jouer et on va le jouer, que ça vous plaise ou non. And I want to be an anarchist. And I get pissed. Destroy. London's burning! London's burning! L'ambiance est à l'amorosité. La crise pétrolière, les grèves, les usines qui ferment tour à tour, l'inflation qui progresse, le chômage en hausse, le terrorisme en Irlande, mais aussi bien en Palestine, en Italie ou en Allemagne, le nucléaire qui fait peur, l'ascension de Margaret Thatcher, l'URSS en Afghanistan, le sentiment d'insécurité, la montée en puissance de l'extrême droite et du racisme. Voilà pour le décor. Nous sommes en Angleterre en 1976. La révolte gronde, celle d'une génération désabusée par les politiciens sourds aux revendications, d'une jeunesse qui s'ennuie, animée par le désir radical de vouloir mettre à bas l'ordre établi, avide de changement. Elle veut faire table rase du passé. Une jeunesse qui se réinvente, à la fois stupide, choquante, provocante, mais surtout bruyante. L'anarchie, le nihilisme, l'anticonformisme, l'excès, l'insolence, la violence, voici en quelques mots ce qui pourrait qualifier le mouvement de cette jeunesse. L'expression d'une contestation à la fois politique, sociale et culturelle pour ces gosses en mal d'espoir, sans avenir, cherchant à s'affranchir de l'ordre établi par ce qu'ils considèrent comme des vieillards politiciens. Et ils s'exprimeront avec virilité. Yeah. Johnny ne fréquente plus le lycée depuis déjà un certain temps. Il passe ses journées, comme pas mal de jeunes de son âge, à traîner au hasard des rues, fuyant ainsi son quotidien. Son père au chômage, qui passe ses journées dans le canapé, à boire de la bière. Il n'a pas d'argent, ni pour aller au pub, ni au cinéma, encore moins pour prendre un bus et filer ailleurs. Johnny, c'est l'image de cette Angleterre qui prend l'eau. C'est le symbole de cette jeunesse qui ne croit plus en rien, complètement désabusée. De cette jeunesse qui se sent trahie, sans perspective d'avenir, avec comme seul échappatoire la musique. Supermarket to make me feel alright. fallait une musique plus accessible à cette jeunesse qui réfutait la musique, les groupes de leurs parents et de leurs aînés. Ils en avaient ras-le-bol des trucs comme les Beatles, les Pink Floyd. Ils voulaient quelque chose de plus primitif. Trois accords plaqués, plus besoin de solfège, une bonne gratte d'occasion et un ampli suffisaient. Et hop, en trois semaines, on savait jouer, ou à peu près. C'est ainsi que le punk, né quelques années plus tôt en 1972 outre-Atlantique, du côté de New York, et plus particulièrement autour de deux endroits, le CBGB's et le Max Kansas City. Deux clubs où avait l'habitude de se retrouver l'underground new-yorkais, ce qui rejetait ce que représentait le flower power. Parmi eux, Lou Reed, Iggy Pop, Patti Smith ou encore les New York Dolls. Le punk venait de débarquer en Angleterre. What the fuck? Le manager des New York Dolls, Michael McLaren, tenait une boutique de frites dans le quartier de Chelsea. Un jour, il croise le chemin de Johnny, qui venait de se faire couper et teindre les cheveux en vert. Johnny portait un t-shirt Pink Floyd sur lequel il avait rajouté « I hate » au marqueur. Ce qui séduisit McLaren d'emblée, celui-ci lui proposa de rejoindre le groupe The Strands, dont il s'occupait également, et qui était à la recherche d'un chanteur. C'est ainsi que John Lydon devient Johnny Rotten. Quant au groupe, il sera rebaptisé Sex Pistols. En novembre 1976, leur premier single sort. Les Pistols jouent pour agresser et non pour faire plaisir à leur public. Ils n'attendent ni amour, ni admiration, ni adulation, bien au contraire. Quand ils se font huer par les spectateurs, Johnny Rotten insulte ceux-ci en retour. C'est nouveau, c'est perturbant, cela rompt avec toutes les traditions du spectacle. À partir de ce moment, les Sex Pistols deviendront l'emblème de la jeunesse anglaise. Ils provoquent, ils défraient la chronique, ils représentent une jeunesse qui fait peur à l'Angleterre. Cette époque voit également fleurir bon nombre de formations, The Damned par exemple, qui se sont formées la même année que les Pistols. Mais le punk n'est pas clairement ce qu'on peut appeler une musique sophistiquée. C'est plutôt une musique qui prouve que tout est possible si on veut bien s'en donner les moyens. Il s'agit avant tout de se foutre de l'ordre établi. No rules. Don't fucking fall in the flesh. En concert, les punks déploient une violence à l'image de la haine et du dégoût que leur inspire la société. Le public se déchaîne, naissent alors les premiers pogos au milieu de la fosse. Les premiers rangs, pour manifester leur admiration, ont l'habitude de cracher sur les musiciens, voire même de leur balancer au visage diverses choses. Mais le phénomène ne se résume pas uniquement à la musique ni à la violence des concerts. C'est aussi une manière de se démarquer, une façon de montrer notre colère, d'afficher sa révolte par tous les moyens possibles. Ainsi, on voit fleurir des hordes de punks habillés de t-shirts lacérés, rafistolés par des épingles à nourrice, des piercings sur le visage, des tatouages pas toujours de bon goût, le crâne rasé et une crête iroquoise multicolore. En fait, le punk devient un style, un art de vivre. Une façon d'être, une façon de paraître. Le punk s'est révélé être un mélange de contestation naïve due à sa jeunesse, de révolte sincère et de marketing. Une des doctrines du punk, c'est « do it yourself », fais-le toi-même. En gros, cela signifie ne pas se laisser dicter son comportement et ses conditions, être libre d'agir en dehors de l'establishment, notamment pour les maisons de disques. En décembre 1976, les Sex Pistols sont au plus fort de leur visibilité médiatique, notamment à cause d'un incident en direct à la télévision où les Pistols insultent copieusement le présentateur. Ils entament alors une tournée en Angleterre, mais l'aventure va vite tourner au fiasco, car les concerts s'annulent au fur et à mesure. Trois concerts seulement auront lieu sur les 21 programmés. Les Sex Pistols multiplient alors les provocations. In the light, the nurse is looking anxious, and she's quivering with fright. I'm looking through Gary Gilmore's eyes, looking through Gary Gilmore's eyes, looking through Gary Gilmore's eyes, looking through Gary Gilmore's eyes. The doctors are avoiding me, my vision's confused. I listen to my headphones and I catch the evening news. A murderer has been killed beneath the rays of sight of science. En juin 1977, la reine Elisabeth fête ses 25 ans de règne. En guise de provocation, les Pistols décident d'organiser un concert sur une péniche naviguant sur la Tamise, mais la fête tourne court. Leur version de God Save the Queen provoque stupeur et colère. La police mettra un terme au concert. L'Angleterre est effrayée par ces gamins totalement incontrôlables, sans limite. Les Pistols subissent alors la censure. Interdits de concert, ils devront tourner sous des noms d'emprunt. En octobre 77, leur album Nevermind the Bollocks paraîtra, mais il fera l'objet de nombreux procès. ...1977 est une année faste pour le punk. Les groupes se multiplient. Je pense notamment The Jam ou encore à The Clash. Moins ingérables que les Pistols, certains développeront même un autre style de musique, en y amenant des notes de ska ou de reggae, mais tout en gardant en ligne de mire la révolte initiale. Parlant d'un contexte où les mouvements sociaux augmentent, où le chômage explose et dénonçant une absence de futur proposé. Le mouvement punk, dans son idée originelle, perdurera encore quelque temps jusqu'à peu près le milieu des années 80. Il continuera de se développer ailleurs, aux États-Unis ou encore en Europe. En Angleterre, la révolte est toujours présente, mais sous d'autres formes d'expression. La New Wave, par exemple. La colère persiste. La fureur, la violence semble, elle, être démodée. Place à la relève. Time. préparer cette émission, j'ai consulté pas mal de documentaires et d'articles, notamment « Je suis un punk » de Caroline Kergariou, une journaliste malheureusement décédée, documentaire sonore que vous pouvez retrouver sur le site franceculture.fr et dont j'ai utilisé quelques extraits en jingle. J'ai également utilisé pas mal d'archives de Pill Sessions, une émission de la BBC Radio 1, dont on s'est pas mal gavé ce soir, même très copieusement gavé ce soir. Vous pouvez retrouver la liste complète et en intégralité des morceaux diffusés dans ce London Burning sur la page Facebook de l'émission. Voilà, les affreuses, c'est fini pour ce soir. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 18h sur les ondes de Radio Web Passion. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et comme dirait l'autre, restez chez vous. Allez, on se quitte avec The Stranglers, Hanging Around. She's got the body fever, but she doesn't make a sound. She's just hanging around. She's just hanging around. Down the court road early with her husband's big and bully. There's a million albums selling and the buyers can't be found. They're just hanging around. They're just hanging around. Told him. just hanging around.